Bonjour, ici c'est Francis Ouellet. C'est encore le dos, ah oui. Ah oui, et Jean-Michel Bertillon du 7e Antiquaire, une émission de cinéma aux proportions cosmiques sur les ondes de Choc FM. Vous écoutez le podcast Les accros des jeux avec Big Ben, Antithèse et Retro Gamer RPG avec Marie-Lune et Testeur Alpha. Le montage a un petit peu plus de misère. Pas grave ça. Je sais. 5 secondes s'il vous plaît. Salut Zacro, c'est le Big Ben. C'est Antithèse. Retro Gamer PQ. Marie-Lune. Et Testeur Alpha. Wouhou! Oh, on l'a eu! Excusez. Oh, yeah. Ouais! Pour le podcast des Zacro, nous sommes l'édition du 13 mai 2013. Et cette semaine, on va parler de Mega Man 2 au courant de la journée, au courant du podcast. Mais entre-temps, salut tout le monde, comment ça va pas? J'entends la musique? Non. Retro. C'est pas moi! C'est pas moi non plus! Pas moi! C'est pas moi non plus! C'est qui est connu? L'antithèse! C'est quoi cette musique là? Ça vient! Pas moi là! Non, moi non plus! Ah non, c'est moi! Qu'est-ce que t'as mis, Bill? Bonne question! Tu sais pas quoi? C'est un papavad! J'ai pas parlé d'un site sur Angel Fire. C'est pourquoi faut. Ouais. Retenez bien la leçon. Angel Fire, c'est de la marde. Ça a toujours été de la marde. Toujours été de la marde. Toujours. Comment ça va tout le monde? Numéro 1, on parle de Mega Man. Super! Yeah. On parle de la meilleure série ever. Tant plein, c'est vrai que je suis d'accord. Meilleure série ever. Tout à fait. C'est une très très bonne série. On va en parler plus tard selon nos appréciations, mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe de neuf de votre côté? Je déménage ma copine parce qu'elle s'en va de son enfer jusqu'au paradis. Je suis trop occupé à ce niveau-là et aussi côté musique parce que j'ai été en contact avec des musiciens qui font de la scène mais qui ont perdu d'autres musiciens entre-temps. Fait que ça se peut que je sois en négociation avec eux autres. Ça ne veut pas dire que pour autant que mes vidéos seront négligées, ni même les podcasts des accros. Sinon, côté jeux vidéo, ben écoutez, je m'en veux. Tout ce que j'ai joué, c'est No More Heroes et Luigi's Mansion Dark Moon. Et comment tu l'as trouvé? Moi, personnellement, je suis rendu à A4. J'aime le fait que tu peux quand même refaire les niveaux dans l'optique où c'est que peut-être t'as oublié des affaires. Moi, j'ai des affaires, si je peux me permettre. Tu sais, a dit des affaires qui n'avaient pas d'enjeu, qui finalement, moi, je les ai trouvées qui les avaient. Fait que je m'attends à ce que, tu sais, il y a quand même d'autres surprises dans le jeu. Non, je l'aime bien, je le trouve très sympathique comme jeu. Tu profites bien de tes vacances. Ben, à aider les autres, pis à... Ouais, quand même. Bon. Après deux... Ben, toi, t'es venu vendredi, t'as eu du plaisir. Des vacances de deux semaines, ça fait du bien en chien. Ah oui, ça, c'est officiel. Rétro, ton côté, quoi de neuf? J'ai commencé... Ben là, je suis en train de faire mon vidéo avec mon nouveau format de 15 minutes, là. Puis ça prend beaucoup de mon temps, puis pour ça, ben pour ce qui est de gaming, écoute, j'en joue pas mal de ce temps-ci, donc sérieux, là, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que je joue pas mal de jeux qui font partie de collection, genre de collection Genesis pour Xbox 360, puis j'ai même rejoué un peu à Mega Man Anniversary Collection pour me mettre dans l'ambiance de ce soir. Moi aussi. Uh-huh. Puis, qu'est-ce que je fais aussi? Pour finir ma collection un peu, puis l'aménager, là, puis c'est ça. Toi, ta soeur, ton côté? Ah, pas mal de choses. Écoute, on a tourné notre 10e épisode. C'était la fin de semaine du 4 mai. Et puis, j'ai la chance, vois-tu, d'avoir un ami qui est assez gentil pour me prêter sa caméra. Mais c'est pas n'importe quelle caméra, c'est une caméra vraiment là à la fine pointe. On ne fait pas mieux, bref, il m'a prêté ça. Donc là, j'ai tourné mon 10e épisode avec cette caméra-là, full HD. On a refait le générique, et là, je suis en train de travailler le montage là-dessus, puis sérieux, là, vous allez voir là une augmentation de la qualité visuelle assez énorme. Vraiment, ça va être une grosse amélioration. J'ai hâte de sortir ça. Ça va être épique. Ah, j'ai hâte de voir ça, moi. J'espère. Je pense qu'on a hâte. On n'est pas encore totalement à l'aise avec cette nouvelle caméra-là, parce qu'il y a tellement d'options là-dessus. Là. On a eu un peu de misère avec la luminosité, mais on est en train d'apprendre sur cette caméra-là. Fait que là, à mesure que les prochains épisodes vont venir, là, on va avoir là, une qualité d'image at the top. Si t'es capable, peux-tu me dire c'est quel genre de caméra? C'est une Canon 5D 3. Mark 5D3, je pense que ça s'appelle. T'as-tu une option white balance? Oui, ben on a fait plusieurs tests là, on l'a mis sur automatique, on a changé le ISO, on a changé, en tout cas bref, rentrez pas dans les détails parce qu'on a passé là, vraiment là, toute la fin de semaine là-dessus là. Bon, bref, mais là, on sait quoi faire à l'avenir pour que ce soit mieux. On va avoir une meilleure luminosité. On va avoir de quoi de plus stable, là. Mais bon, quand même, là, le dixième ne sera pas mauvais pour autant, mais à l'avenir, ça sera mieux. Ça sera mieux. Toi, Marie, de ton côté? Ouf! Depuis deux semaines, parce que c'était pas la semaine passée, j'ai recommencé à jouer un petit peu. J'ai délaissé un petit peu World of Warcraft, malheureusement, pour certains. Mais ça m'a fait du bien. Pour retourner vers mon DS un petit peu plus, j'ai rejoué à des classiques de Nintendo. Super Mario Bros. 3, ça m'a donné le goût de jouer il y a deux semaines. Sinon, j'ai joué beaucoup à Spyro sur mon 3DS. Et des jeux de Just Dance aussi en bonne compagnie. Donc, c'est vraiment chouette. Sinon, je vais en parler un petit peu plus tard, mais j'ai été beaucoup occupé par du certain pixel art. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Moi, de mon côté, je joue beaucoup. J'essaie de finir Far Cry 3. Sinon, je joue beaucoup à Poker Night 2. J'essaie de débarrer toutes les tables disponibles du jeu. Et sinon, j'ai recommencé une game de Link 2, Zelda 2 sur NES, afin d'avancer tranquillement. Fait que c'est ça. Là, je vais couper les gars et les filles, parce que j'ai une urgence. Je vous reviens, ça sera pas très long. Je suis vraiment désolé, c'était pas prévu, mais faut que j'y aille. Ce moment d'attente est une présentation de... The Raccoon's Fast Test. Que du ouais, raton. On a raté de raton. Alors que Retro Gamer joue à Mega Man 2 devant notre face, à la part, mais on t'aime beaucoup. Ben oui, à Québec! Québec! Parce qu'après tout, Régis le bombe, il est hot! Ben oui, Régis le bombe! On veut entendre la musique, Retro! Ah, t'as peur, là. Touche trop, Manette. Go, Retro, go! Quelle est Manette? T'as fait rentrer un cheat, le Retro. Ok, il faut que ça chie une chose, c'est que moi, quand je place mes manettes de TV, puis ça, je les retrouve jamais deux secondes après. Okay? Ah, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est normal. Ça. Ah, et là? Ça, c'est le sort de tout grand génie. C'est ça. Ou de tout gars dans la lune, un peu comme Manette, finalement, des fois. Là, j'ai pas de son. Je sais pas pourquoi. Bon. Tu dois avoir un fil à débrancher. C'est pas si grave que ça, Retro. Il y a des choses pas mal pire que ça dans la vie. Et là, Retro Gamer fait le sac de Bobman, mais il est sur pause. Tandis que Marie, elle, boit son jus, comme une grande. C'est du thé glacé à la framboise. Oh, mais que c'est bon, ça. Que toi. As-tu joué à Tomb Raider? J'ai joué au vieux Tomb Raider, mais j'ai pas joué au nouveau. Puis le pire, c'est que j'ai hésité parce qu'il y a une fin de semaine, une ou deux fins de semaine de ça, il était en spécial sur Steam, il était 25$. J'avais en fait, c'est une tente. Mais tu sais, j'étais comme serré côté sous, j'ai fait comme, tu sais, j'ai d'autres jeux à jouer avant, fait que je vois. Tu vas peut-être aller me chercher sur Steam, ça me tente, moi. Ben, c'est un bon deal, 25$, mais tu sais, c'est quand même 25$. Là. Le nouveau, là, il était à 25$. Il était à 25$ sur Steam il y a deux semaines. Colin, c'est quand même impressionnant. Ben, de toute façon, l'été s'en vient. L'été s'en vient avec les deals, c'est Steam. Mais moi, je vais te dire ce que mes amis m'ont dit. Ouais. T'as la chance d'avoir un jeu qui est une affaire que tu veux, puis en plus, il est en spécial, puis t'as l'argent pour. Mais c'est vrai que tu vas tirer un peu dans ton budget pour 2-3 jours, ou une semaine. Prends des pareils parce que ça veut pas forcément dire que le forcé va se présenter une autre fois ou pire encore que ton il va redescendre. Je connais. Je le sais, ça va redescendre, c'est sûr, certain sur Steam. Ça joue des deals pareils. C'est comme Dishonored, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup, mais là, Microplay, pendant une semaine, il avait en spécial pour 30$ en neuf et 40$ use. À faire, ils l'ont pour 25$ use, puis 30$, c'est le nouveau prix standard de Dishonored. Fait que c'est. Ouais, c'est ça. C'est un exemple de choses qui peuvent arriver. Mais pour revenir à Tomb Raider, le nouveau, j'écoute pas mal les reviews des Américains, puis il y a plusieurs chaînes que j'écoute qui a des personnes qui l'ont essayé, puis franchement, là, ça semble être excellent comme jeu, si c'est pas un chef-d'œuvre, carrément. Là. Apparemment, ce serait Uncharted, le jeu Uncharted, mais version chef-d'œuvre. Ouais, quelque chose de même, ouais. En passant, il y a du monde qui dit qu'il voyait juste des images. Ça se peut, on a des problèmes aujourd'hui avec YouTube et Google Hangout. Ça fait en sorte qu'on a certains problèmes de caméra. Probablement, ça va revenir la prochaine fois, mais entre-temps, on va rester de cette manière-là. On est vraiment désolé, on fait ce qu'on peut. On peut. La gang, vraiment, là. Mais entre-temps, vous allez quand même entendre notre voix, puis vous pouvez toujours discuter avec nous autres sur YouTube et sur Twitter. Ouais, hashtag accro des jeux. Ouais, hashtag accro des jeux sur Twitter, sinon sur YouTube direct, on essaie de passer le plus souvent possible. D'ici là, on va continuer. Yes. Alors, ça va être la suite ici, genre. Ou bien je ferai une sorte de montage, peu importe, c'est pas grave. Le monde sont d'habitude d'entendre mes montages boboches, là. Correct. Est-ce que hey, bonjour, t'es Alpha! Oh, oui. Bonjour, Alpha! Hey, Alpha, il est revenu! Hey, on voit ta face! Alpha's oui. Back! C'est le miracle de la webcam qui a décidé de marcher! Wow. Écoute, j'ai-tu aucune idée comment ça se fait qu'elle fonctionne tout d'un coup? Eh hey boy! Mais profitons-en! Ben oui, on va en profiter pour voir ton joli visage, testeur. Le temps que ça va durer, là. Bah, ben, c'est ça. Oh, testeur, t'es tellement beau! Oh, merci! Je m'attendais pas à ça partout, là. C'était 4 mois. Il manque juste sa perruque blonde. L'amour est né sur le site des accros. Ben écoute, moi un homme qui joue à Mega Man 2, là, je m'excuse, là, ça vient me chercher. C'est pas grand chose, hein? Puis y a pas mal de tous les gars ici qui l'ont joué. Il faut que la fille la joue. Mais, ça a l'air. Peut-être Maggie. Mais je vais peut-être vous aider, peut-être m'aimer plus si je fais ça comme oh, ça. Oh! Oh my god! Wow! Ok, il est quand même gros! J'avais vu la photo, je pensais pas qu'il était gros comme ça. C'est un orgasme. En rapport à ma main, là! Mais hein? Ah, il est super! Hey, tu serais-tu capable d'en faire un avec le bras de côté, là, comme s'il s'en allait tirer? Ouais. On l'a en modèle, mais je l'ai pas fait encore. Ah ben, en tout cas, si t'en fais un, là, moi je risque de te prendre les deux, là. Bon, ben, pas. Bon, ben, une autre commande! Neuf commandes! Ça va aller super bien dans mon décor en arrière. En échange, je t'achète un t-shirt. Hein? Je vais t'acheter un t-shirt en échange. Ah! C'est parfait pour filles, moi aussi! Colin, parfait, ça. Ah, tu me gardes un X-large. Ah, je n'ai en masse, t'en fais pas. Ah, ok, c'est bon. Je savais juste pas si t'avais les deux X-larges, vu que Beta, il doit toutes les prendre au complet. Ah, oh, c'est ouais, c'est ça, il change de t-shirt à tous les jours, et let's go. Bon, fait que, ben c'est ça, ben oui, j'ai pas fait beaucoup de montage. On continue. On va parler de nouvelles, mais on va commencer avec les nouvelles des accros eux-mêmes, parce que on a une bonne nouvelle, puis je vais laisser Marie, parce que c'est Marie qui est la coordonnatrice de ce projet-là, qui va discuter de ce qu'elle fait ces derniers jours. Okay. Ça se résume pas mal en deux mots. Pixel art. OK? Je suis tellement devenue passionnée de ça, puis vous m'avez sûrement vu, si vous me suivez sur Instagram ou juste sur le site des accros, ou sur le Facebook des accros surtout, parce qu'on met beaucoup, beaucoup les photos là aussi. Je fais beaucoup de pixel art geek. Et il y a tellement de bonnes réponses, puis il y a tellement des gens qui me disent « Peux-tu m'en faire? Peux-tu m'en faire? Peux-tu m'en faire? » J'ai dit « Pourquoi pas en faire un financement pour les accros des jeux? » Donc, c'est pour ça que je suis là, parce que officiellement, oui, on a eu déjà des commandes depuis 2 jours. Je pense qu'on a eu 8 commandes, ce qui est vraiment bon, dont un de 8 pièces. Et ouais, je suis vraiment contente, ça fait beaucoup, on est très occupés par le temps qui court. Et bref, je suis là pour vous parler de certains modèles, ben, je vais donner des exemples de modèles, mes préférés. Puis, donnez aussi les prix, parce que ça va être important que vous les sachiez. Si vous n'êtes pas sur le forum, sur le Facebook des accros, vous le savez pas de toute façon déjà, vu qu'ils sont déjà là. Donc, je commence par quoi, Big Ben? Qu'est-ce que tu veux que je... De quoi veux-tu que je parle? Au pire, commence avec tes petits modèles, puis on va monter avec de plus en plus avec les gros modèles. OK. Là, j'ai monte pas au complet, parce que c'est sûr que... ça change de temps en temps, mais je vous montre un peu le genre de petits modèles que je peux faire. Voici Monsieur Fantôme de Pac-Man. En ce moment, on a un petit fantôme de Pac-Man, pour ceux qui nous écoutent en version audio, qui est à peu près pour ceux qui, on va situer la taille, c'est sur les tailles de plaquettes. Donc, une plaquette complète va être un montant X, mais la moitié d'une plaquette va être un autre montant, ça va être plus petit. Fait que là, c'est un petit modèle. Un petit fantôme. Un petit fantôme, mais je peux le faire dans la couleur que vous voulez aussi, il n'y a pas de problème. Un autre petit, ben c'est notre bébé Mario qui est ici. C'est Mario, le Mario qu'on voit présentement, c'est le Mario de Super Mario World. En version normale, pas de champignons. Merci. Ventre. J'ai mon autre préféré qui est Kirby. Ici. Et voilà, Retro s'est tourné. Ceux qui l'ont pas vu, ben Retro s'est tourné. Rapidement, quand on a dit Kirby. Et il vient de dire murmurer qu'il veut le Kirby. Il vient de dire oui. Ensuite, un autre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, que j'ai fait hier pour la première fois. Un bébé Yoshi. Wow. Pour ceux qui se demandent, c'est un tout petit Yoshi qui est encore bébé, qu'il faut que tu fasses avaler les Goombas avec ça. Yaval. Yaval, c'est vrai, Yaval, il goûte pas. Puis, ben, je peux le faire dans la couleur que vous voulez, selon la sorte de Yoshi que vous voulez. Ah, moi, mon préféré, c'était le mauve. Je peux te le faire en mauve si ça te tente. Qu'est-ce que le mot avait de particulier? Rien pantoute. Hey, il volait. Arrête. Pour les filles un petit peu plus geek girly, ben j'ai Hello Kitty, qui semble bien populaire dans mes commandes présentement. En tout cas, là. Ben oui. Il est à grosseur de ma paume de main, à peu près. C'est les plus petits dans mes petits. Puis j'ai la boucle aussi que je peux faire tout seul. Qui peut servir de barrette aussi. Question de même. Pour les filles, ça leur intéresse des fois. Ouais. Mon dernier, et non le moins petit que je suis vraiment fière, là, c'est ma cassette de Nintendo. Ici présente. Je l'avais eu en modèle, je pense. Au GeekFest, je l'avais acheté en modèle. Puis je la trouvais tellement cool que c'est une de mes commandes d'ailleurs, celle-là. Donc, puis elle est en aimant. Déjà prête. Très intéressant, Marie. Là, on peut monter avec le modèle un petit peu plus grand. Ouais, moyen, mettons. Moyen, mettons, oui. Qui est moins long, que pour moi, c'est moins compliqué à faire qu'il y a moins de dégradés, là, mettons. Donc, vous avez déjà vu le Megaman ici présent? Un beau Megaman qui se tient présentement. Dans ma main. Qui fait aucune action, mais qui est très, très joli. Ensuite, nous avons l'œuvre de Big Ben. Alors, en ce moment, on voit un Luigi de Super Mario Bros. 3 avec la forme Super Luigi, donc juste avec le champignon. Ensuite, pour les fans de Doctor Who, le TARDIS en pixel art. Et voilà, puis là, j'ai pris mes deux préférés dans les plus grands que j'ai fait jusqu'à maintenant, puis qui m'en demandent plus de temps, mettons. Là. Ceux-là, ça va être les modèles les plus chers. Les plus chers jusqu'à maintenant, ouais. Donc, j'ai Monsieur Yoshi ici présent. Le Yoshi taille normale qui, c'est ça, il prend un peu plus de temps, il est un petit peu plus gros aussi, il faut le dire. Ben, on comprend ouais. Pourquoi il vaut plus cher. T'as tellement de couleurs une après l'autre qu'il faut tout le temps que tu changes puis que tu regardes que ça fit. Ouais. Non, on comprend ça. Puis, je peux le faire, je vais le faire. Ah oui, tous les morceaux que je monte, je peux les faire en aimant, en barrette, puis en macaron pour le moment. Mmh. Je vous conseille pas les gros en macaron parce que c'est vraiment gros sur vous autres là, on s'entend-tu là? Puis mon préféré qui est déjà réservé et quasi acheté. Oh le Sweet Mario. C'est ouais. Le Mario Bros qui fait un piece de Super Mario Bros World. Vraiment réussi. Il a été long à faire la gang par exemple. Là. Si vous le voyez peut-être pas, mais il y a deux dégradés de bleu dans la salopette. Deux dégradés de rouge sur sur lui-même, donc c'est ça qui était long. Puis il est énorme, il prend 4 aimants lui tout seul. Bref, c'est ça mes modèles préférés jusqu'à maintenant. Et si jamais vous avez d'autres modèles à me suggérer, faites-moi signe la gang sur le Facebook des accros ou sur mon Facebook à moi, ben j'essaie de trouver le plus possible les modèles que vous voulez. Ça se trouve vraiment facilement sur Internet. Fait que là-dessus, on a des questions par rapport à aux billes là-dessus. On demande, oui. C'est quoi la sorte de billes qu'on utilise pour faire les pixel art mains? Ça s'appelle des AMA beads. C'est des petites billes en plastique qu'on achète un peu dans les magasins, genre Toys R Us ou Homer de Serre. C'est des billes qui, à la base, sont faites pour des colliers pour enfants. C'est con à dire de même, mais c'est fait pour ça. Mais c'est aussi utilisé pour le pixel art. Puis ça se trouve vraiment aussi facilement sur eBay. Si tu veux pas les acheter en gros pot mélangé, là, on peut les acheter par couleurs séparées, ce qui est vraiment pratique quand on fait du pixel art. Oui, parce que faut dire une chose, ici au Canada, je suis allé voir plusieurs magasins, puis ils vendent seulement en gros saut 10 000 avec plein de couleurs séparées. Et je vous dis, ça prend énormément de temps à séparer les couleurs, puis surtout, t'as pas toutes les couleurs que tu veux, fait que nous, on les commande via eBay, et des fois, ben tiens, on prend des couleurs que on sait que c'est pas des couleurs primaires, on prend des couleurs qui sont secondaires, qu'ils peuvent quand même être importants pour plusieurs sortes de pixel art. Puis ce qui est plate dans les pots, c'est comme vous voyez, moi on prend beaucoup de noir pour les contours et puis tout ça. Puis dans les pots dans 10 000 billes, ben il y a peut-être 500 noirs gros maximum là. Fait que c'est vraiment ça qu'on achète par eBay plus mettons, tu sais. Puis on nous demande également on dit de Sœur 2011 nous dit qu'il est vraiment beau ton Megaman, Marie. Ah ben merci beaucoup. Il y a beaucoup de compliments sur les pixelaires de Marie. Beaucoup, beaucoup de compliments. Fait que c'est vraiment génial pour ça. Ça prend beaucoup de patience à faire parce que chaque bille fait un pixel de ton bonhomme. Fait que c'est vraiment long, mais quand tu pognes la twist, c'est pas si pire. Là-dessus, on a une question par rapport à l'Otakuton 2013. Est-ce qu'on va être présent? Vous autres, vous présentez-vous avant que moi, je me prononce? Moi, je vais y être. Je vais être là avec Beta, puis Lambda va être là, mais elle participe au festival, fait que, à la mascarade, c'est-à-dire. Fait que, elle sera peut-être pas en permanence à la table, là, mais oui, on va être là. Moi, Beta, Lambda, on va être là. De notre côté, j'attends juste des nouvelles du Comic-Con parce que je veux savoir combien ça va coûter pour le Comic-Con. Parce que nous, on vise le Comic-Con pour ce qui est des tables. L'Otakuton, on va peut-être être présent, mais on va peut-être dîner juste une journée. Si on va au Comic-Con puis on paye la grosse table qui coûte très cher. Sinon, s'il reste encore des tables à l'Otakuton, On verra rendu là. Peut-être qu'on prendra une petite table puis on se débrouillera rendu là. Mais c'est rien d'officiel encore. On y travaille. Moi, ça se peut que vous me voyez cependant me promener à la Takutoro parce que moi, je suis encore pour l'instant le seul accro qui a pas fait le Takuton encore. C'est correct, là. Je veux dire, c'est un événement qui est très unique en son genre. Oui, exact. De deux, moi, j'irais cependant parce que il y a mon coup de cœur du GeekFest qui va refaire d'autres présentations. En fait, trois présentations pour trois jours à le Takuton, qui est le counter-about, si vous voulez, la reconstruction version québécoise et mélange de jeux de Ace Attorney, mais je répète, version québécoise. OK. Fait que là-dessus, on remercie Marie parce qu'elle va nous coûter pour aller continuer son travail. Merci beaucoup, Marie. On a des grosses commandes, fait qu'il faut que je fasse tout ça. Donc, toi, Marie, ça va payer vos tables au Comic-Con. Et puis merci à la gang de passer commandes, hein, sérieusement. Plus on va en faire, on va avoir de commandes, plus vous allez pouvoir avoir au Comic-Con, exemple, des chandails, des cartes d'affaires, ce genre de trucs-là pour vous autres, la gang. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre encouragement. D'ici là, Marie, comment on peut te rejoindre sur Internet et comment on peut passer des commandes via toi? Oui, on va commencer par Accro des Jeux. Donc, sur Facebook, j'ai ma chaîne personnelle sur Facebook. Vous pouvez y rechercher, c'est Marie-Lune d'Accro des Jeux. Donc, je suis la seule, principalement. Vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook d'accrodesjeux.com. Vous pouvez me rejoindre sur le forum, mais pas pour passer des commandes, s'il vous plaît. Sinon, vous pouvez me rejoindre via YouTube sur ma chaîne Création ML. Ou encore sur Vlog de Marie, ou sur Instagram, sur Vlog de Marilune, ou mon courriel, vlogdemarilune@gmail.com. Merci beaucoup, Marie. À la prochaine. Bye! Bye, les gars. Bon podcast. Salut! D'ici là, les accros, on va partir sur le côté de nouvelles. Ça vous tente-tu, les gars? Oui, vas-y. Hey, des drôles de nouvelles cette année. Je dis pour aujourd'hui. Ouais. Pour la gang qui aime Noob, je sais pas s'il y a une gang qui aime bien Noob. Oui! Marilyn adore ça. Noob, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une web série qui se passe en France qui raconte les péripéties d'un groupe de noobs qui jouent à un MMORPG. Ils sont rendus à leur 5e saison, puis ils ont décidé de lancer sur un site qui s'appelle, donnez-moi un instant, Ulule, qui ressemble un petit peu à un Kickstarter, un financement public pour pouvoir partir leur film de Noob qui va être comme la 6e saison. Et ils ont demandé très peu au début. Je vais aller chercher le montant canadien parce que je veux vraiment vous donner le montant canadien. Ils voulaient demander 45 910 $ canadiens. En ce moment, ils sont rendus à 328 526. Leur budget sont à 700%. C'est énorme. Hey, qu'est-ce qu'on attend pour faire ça, nous autres aussi? On va en faire un film, la gang. Let's go. Moi, le crowdfunding est illégal au Canada. Le crowdfunding? Ah, je savais pas que le crowdfunding était illégal. Ah, ouais. Au Canada, oui. Ah, dommage. On se fait baiser. Hein? Oui, en effet. Les lois doivent changer. Bon, mais il faudrait avoir quelqu'un qui déménage aux États-Unis. Antithèse, tu déménages aux États-Unis pour nous. Non. Qu'est-ce que je te comprends? Non, ben, remarque, au moins, les États-Unis, ils sont dirigés par quelqu'un que j'aime bien, puis que je vous dirais, ironiquement, 92% des... T'aimeras pas ce que je vais dire tantôt, hein? Quoi? Ah, watch-toi, tu vois, il y a quelque chose que je vais te raconter tantôt dans les nouvelles, là. Tu seras pas aussi fier. Non, je sais qu'il a fait une pseudo-connerie, mais c'est plus compliqué que ça. On va venir tantôt. Ouais. Fait que, ben, félicitations à Guide de Nous, puis à cause de ça, ils ont tellement d'argent qu'ils vont descendre au Comic-Con, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Fait qu'on pourra aller visiter. La gang devrait venir au Québec faire la promotion du film. Donc, ça va être vraiment. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment cool, on va aller les voir au Comic-Con. Il va falloir les passer en entrevue, un nous autres, là. Oui, oui, oui. Écoute, moi. Hein? Ben, oui. Marie, je sais qu'elle aimerait ça. Ben oui. Marie adore ça. Giz, fait que... Ah, Marie, elle, elle, elle, regarde, elle commence avec Giz, là, après ça, ça va être Noob. Après ça, on sait pas trop qui. C'est sûr, tu sais. Ah, Félicité, peut-être, ça serait le fun. Félicité! Non, non, ça, c'est moi qui l'ai interviewé. Ah, ok! Bienvenue, mofo! Oh, oui. Fait que là-dessus, on va embarquer dans une autre nouvelle. On a eu quelques nouvelles par rapport à Lord of Shadows 2. On dit qu'on a des fans de Lord of Shadows. Je me demande de qui tu parles. Hein? Je me demande de qui tu parles. Il y en a deux sur quatre qui adorent Lord of Shadows. Ils ont parlé de deux nouvelles armes qui vont être disponibles lors du jeu. Il va y avoir une arme qui s'appelle la croix de deux nouvelles armes, excusez-moi, je regarde la. Il y en a une qui s'appelle il va y avoir une jauge qui va s'appeler Sang de Dracula, qui est en tuant des ennemis ou en réalisant des combos qu'il va s'augmenter. Ça va donner deux armes. Il y en a une qui s'appelle la lumière, qui s'appelle la Voice World, qui permet de récupérer de la vie, tandis qu'une autre qui représente l'obscurité, qui s'appelle le Chaos Claw, peut être utilisé pour casser des boucliers. Donc, ça va être deux armes supplémentaires en plus du whip du Blood Whip qu'il donne dans le jeu. Il y a une petite barre de ça qui. Moi, là, c'est un petit peu abstrait, là. Il y a une petite barre de ça, une petite influence de ça qui provient de Mirror of Fate. Ouais, peut-être. Mais j'ai pas joué encore à Mirror of Fate, là. Je sais, shame on me, là. Shame on you! Écoute, c'est pas Mirror of Fate, c'est pas Luigi's Mansion, mais c'est Fire Emblem, je veux dire. Ouais. On est quand même gâtés jusqu'à un an cette année, je trouve. En ce moment, oui, on est vraiment gâtés. Côté jeu, là, c'est vraiment fou, là. On est vraiment gâtés. Ouais. Une autre nouvelle, celle-là va faire dégoûter notre cher testeur. Quoi? Le retour de chaque fou. Ouais! Oui. Je pense que ça fait dégoûter pas mal tout le monde. Alors, ouais. En ce moment, il y a une équipe française qui travaille, qui s'appelle Delphine Software, qui veulent Hein? Delphine? Software, oui. Oh my god! La même équipe qui a travaillé derrière Flashback, qui ont enregistré un nom de domaine, un trademark qui s'appellerait Shaq Fighter. Oh my god. Ouais, si tu veux en parler sur Shaq Fu, c'est bon sur... Sauf Shaquille O'Neal ou c'est basé sur Shaq Fighter. Shaq Fighter. Shaq Fighter. Ça se dit, tu sais. Oh my god. Mais ça se peut pas. Pourquoi? Il y a vraiment du monde qui aime ça se torturer, hein. Ouais, mais une gang de sadomasochistes dans leur sous-sol qui vont. On veut des Shaq Fu. Je vais m'ouvrir le nez, Shaq Fu. Je vais t'ouvrir l'anus, si c'est ça que ton manga va dire. Oh my! Oh! On va m'écarter les fesses là, puis tu. Let's go, un après l'autre! Bayonnette, t'as qu'à faire? Ben, pourquoi pas, rendu là. Ah, y'en a qui adorent, là! C'est mieux que chaque coup. Écoute. C'est vraiment. En tout cas, je sais pas. C'est quoi l'idée derrière ça? Je me demande d'abord si déjà Shaq est au courant. Tu sais, je sais pas, ils vont comme faire. Ça va une autre offre pour ça. What the fuck? Ok, pas de trouble, tu me donnes l'argent pour que je te prenne ma voix, ma face, vas-y. Ah, il va le faire pour ça, c'est sûr. Ah, il va le faire, c'est du cash, tu sais. C'est ça, tu gardes. Non, c'est ça, excusez-moi, je suis en train de lire en ce moment, puis c'est ça, le site qui s'appelle Silicon Era. Il y a une compagnie qui s'appelle Minomine qui s'occupe du site officiel de Shaquille O'Neal qui a vraiment déposé un trademark pour le jeu Shaq Fighter. Je sais pas trop à quoi ça va de l'air. C'est très inquiétant. Je me demande qui va embarquer là-dedans, sérieusement, là. Pas moi. C'est certainement pas moi. Ben écoute, tu sais, ça va être dur de faire pire que le Shaq Fu qu'on connaît tous. Mais je sais pas si c'est toi. Mais en même temps, là. Il y a un jeu qui s'appelle Iron Man sur PlayStation 2. Non, je veux bien, mais tu sais, ils reprennent le nom, mais mettons qu'ils reprennent le nom chaque fou. Ils peuvent pas faire pire que le chaque fou qu'on connaît tous, mais en même temps, le nom est tellement sali. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu prends un tas de marde, c'est pas parce que tu y mets un peu de spray net qui va devenir bon pis le fun à regarder, là, tu sais. Mais regarde, la gang qui ont, le gars qui a créé le jeu Cheeto Man, là, il a quand même fait une suite, là, tu sais. C'est ça le pire. Ouais. Ouais, mais Cheeto Man n'a pas prend. Cheeto Man, ça prenait pas vraiment un gros budget pour concevoir ça, là. Chaque fighter, c'est ouais, mais... On s'entend-tu que le gars, là, il est là pour faire une passe de cash, là. Le gars de Cheeto Man, là, lui, il pense juste au cash, point. Là. Ben, qu'un. On peut parler de quelque chose de plus positif pour les prochaines 30 secondes? Ouais, vas-y. T'as-tu quelque chose à dire? Le gamer est rendu au stage de Flashman, pour ceux qui nous écoutent. Et c'est son dernier bonhomme des 8 bonhommes de Mega Man 2 à battre. Alors, après ça, va s'en va de bon train. Non, il me reste Quickman après. Ah, ok. Dans l'angle de caméra, j'ai pas vu Quickman. Non, mais de toute façon, ça, c'est juste la première partie du jeu. Là. Après ça, il y a tous les niveaux pour se rendre au Dr. Wily. Puis, c'est un autre pas de manche. C'est un fait. Ben, d'accord avec toi. Mais c'est une performance très le fun, faut avouer. Ah oui, ça c'est officiel. Ça c'est officiel. Mm. Hey, c'est vrai, c'est ça le sujet aujourd'hui. Hein? Mega Man 2, oui, on parle de ça tantôt. Ok, on revient. De quoi on parlait là? Ok. Prochaine nouvelle? Oui. Avant qu'on remémore à la testeur l'horreur qu'on a eu de passer pour les 5 minutes. Y a-tu des fans de Robocop, ça? Eh ben non. Pas depuis les films de Frank Miller. Saviez-vous, en ce moment, il y a une équipe à Détroit qui a réussi à se faire financer une statue de Robocop. Non, mais ça fait longtemps, ça. Ben, ça vient de finir aujourd'hui. Le 26 mars, excusez-moi, je viens juste de le remarquer pareil, mais tu sais, c'est comme... Ça quand même! Donc, une perte de temps et d'argent. Moi, c'est nos avis. Pourquoi une... OK. Je peux comprendre que à Philadelphie, t'as une statue de Rocky. Parce que ce personnage-là représente véritablement la ville de Philadelphie. Oh que oui. Mais là, Robocop, on s'entend-tu que t'es dans... Tu parles d'un univers où Détroit, c'est une ville de marde? Ben justement, Robocop va tout changer ça! C'est Robocop! Même à ça! On va le garder qu'avant! Robocop! Mais même à ça, c'est pas Robocop qui va aller détruire les truands de Détroit, là! C'est Robocop, c'est un symbole de respect de la loi! Il t'a Rétro. Non. Oui! Non. Oui! Non. Oui! Non. OK. Fini. D'ici là, c'est quand même bizarre que la gang ait réussi à se faire financer une statue de Robocop, pareil. Ouais, ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus, ben. Ça se peut. Je sais pas, je suis pas vraiment courant. Là, je vois en ce moment la statue parce qu'ils l'ont finie. Puis là, elle est en tu vois Robocop qui a l'air d'être un Robocop fait de marde. Parce qu'il est brun, marde un peu partout, tu sais, là. Ben, ça fit avec la ville dans laquelle il est, là. Ouais, c'est vrai. C'est une ville de marde, tu sais. Prochaine nouvelle. Là, je vais te donner une raison de détester les démocrates, antithèse. Non, les démocrates, je sais que c'est une, aux États-Unis, c'est une gang de sans couilles, tandis que les républicains, c'est une gang de tyrans, mais c'est ça, là. Le vice-président Joe Biden croit qu'il n'y a aucun problème juridique ou légal à imposer une taxe contre les médias qui font la promotion de la violence. Hein? Avez-vous compris? Donc, ils taxent les jeux vidéo violents et les films violents. Ben, c'est un peu ridicule. C'est ridicule parce que c'est ironique puis hypocrite parce que c'est eux autres les premiers à dire « Oh, les nouvelles sont trop violentes! » Puis « Tu l'arrêtais trop violente! » Puis ok, quand est-ce que tu vas t'accélérer, mon chum? Puis c'est un révérend qui s'appelle le révérend Graham qui dit que l'argent de ces taxes-là pourrait aider à aider les victimes qui ont eu de la violence avec les armes et leurs familles. Il règle pas le problème de la bonne mais façon. Non, là, c'est... Totalement d'accord avec toi. Coupez donc les vos maudits guns à la place. Mais non, dis ça! Non. Les guns, le sexe, c'est bien pire que les guns. Ben c'est sûr, de un. Surtout considérant que au Sénat, il arrête pas de dire il faut avoir un gun control. Vous avez mon anglais. Il faut avoir un gun control. Rabble. Non, il n'y aura pas de gun control. Depuis le premier shooting de cette année, il y a de plus en plus de shootings qui sont rapportés aux États-Unis. Je me demande pourquoi. Ben oui, c'est bizarre. Hein? Ça n'a aucun lien avec la cause des guns. C'est pas relié du tout. Mais non, c'est le nuage au-dessus de nous autres. C'est lui qui nous influence. Là. C'est l'alignement des planètes puis le fait que Jupiter soit dans ton Uranus. C'est pour ça que ça fait ça. Tout à fait. Et là-dessus, ben, il y a Pluto qui s'ennuie. Ah oui. Et on pour ça. Pour Gamer, ça va être de battre Quickman. Ou je vais peut-être me faire torcher finalement. Ouais, j'ai qu'à temps qu'il arrive au poste. Ah, finalement, non, je l'ai eu. Et voilà. Il va arriver à m'emmener au tableau infini de Chuck Norris où là, il va perdre indéfiniment. Ah, ben là. Il faudrait qu'il fasse un tableau de Chuck Norris juste pour voir. Remarque, c'est rétro. Dans un sens, je serais peut-être pas étonné que. Pour un jeu vidéo et un tableau de Chuck Norris, ça soit le seul d'entre nous qui puisse battre le tableau. Ça, là, ça tue Chuck Norris juste en le regardant. Chuck Norris, c'est trop bon, baby. Prochaine nouvelle. Nos amis d'IA, nos petites gangs de cave. Celle-là, c'est une bonne, ok? C'est rendu direct, c'est IA, maudite gang de cave. Ok. Laissez-moi vous raconter cette histoire-là, ok? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'or? Ok. Et on a un nouvel engin qui s'appelle le Frostbite 3. Le Frostbite 3 va être utilisé dans Battlefield 4, Mass Effect, tous les prochains gros jeux qui s'en viennent de IA, ok? Et la gang d'IA ont dit « Ben, on n'est pas capable de la faire rouler sur Wii U. » Hein? OK. Oh my God! Sauf que... Attendez, c'est pas fini. Ils sont capables de le faire rouler sur PlayStation 3. Xbox, oui. Ils parlent pas du Xbox 360. Does not compute. OK, sérieusement, là, j'ai beaucoup de misère à vous croire. J'ai l'impression que vous me mentez en pleine face. Sérieux, là? Ils veulent juste pas faire de... Ou c'est juste leur excuse pour pas vouloir faire de jeu de Wii U parce que... Vraiment, Wii U, les business sont très, très lentes. Ben, moi, je vais vous dire moi, je connais une raison que ça leur fait chier. Nintendo ont refusé de mettre Origin sur Wii U. Ils voulaient mettre leur service de distribution en ligne sur Wii U. Nintendo ont fait non, on n'en veut pas de ta marde. Mais j'espère. De Dragon Age. Ils ont bien fait d'ailleurs. Puis à cause de ça, ben on recevra pas les nouveaux jeux d'IA. Oh non. Moi je vais boycott de toute façon avec mon code. Et voilà. Sérieux, moi ça me fait quoi parce que j'adore la série Mass Effect. Puis j'aurais été prêt à continuer. Mais là, vous me donnez vraiment pas le goût. Fait que là-dessus, merci. C'est pas facile, mais IA, c'est vraiment rendu une gang de crottés de la pire espèce. Tout à fait. Ben, apparemment, c'est pas pour rien qu'ils ont remporté le prix comme étant une des pires corporations qu'il y a pas. Ben, je comprends donc. Ils le méritent amplement. C'est vraiment dégueulasse qu'est-ce qu'ils font là. C'est qu'ils engagent des internes, contrat de 3 mois, puis ensuite, c'est ciao bye, ils mangent de la merde. Ouais, c'est vraiment dégueulasse, sérieusement, là, comme idée, là. Dans les limites du légal, mais du légal cheap. Là-dessus, dernière nouvelle, avez-vous commencé à regarder les photos du X-Men qui tournait à Montréal? Non. Encore! Ils viennent nous montrer une image de James McAvoy qui fait le professeur X jeune. dans les années 70, et ça a de l'air vraiment... il y a de l'air vraiment d'un pecno. Excusez-moi. Quoi, d'un pecno? Il y a de l'air d'un... Il y a de l'air d'un... Comment dire? Un chichi... Pas un chichi-chong, mais tu sais, comme... Attends, excuse-moi. Rétro, comment t'as fait? Je sais pas, j'ai eu un moment de noob. Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu me l'expliquer? J'ai eu un moment de noob. J'ai comme arrêté d'avancer avec le premier boss de Dr. Wild. OK. Fait que, non, on le voit en ce moment comme en... Je vous dirais en peace and love, tu sais, genre les cheveux longs jusqu'aux épaules avec la chemise hawaïenne puis tu sais, la barbe pas faite. Tellement pas. C'est tellement pas Professeur X, là. Ça marche tellement pas avec Professeur X. Non, c'est... vraiment pas. C'est quoi cette décision de merde? Je sais pas. J'ai hâte de voir le film, sérieusement. J'ai hâte de voir le film, voir pourquoi. Mais en ce moment, je le crois pas. Parce que Professeur X a toujours été un personnage, peu importe les circonstances, qui était toujours bien habillé, toujours avec beaucoup de taciturne. Puis lui être relax, puis avoir une chemise hawaïenne, écoute, parce qu'il voulait... Il a des tresses, là. Il a vu télépathiquement que George Grey, c'était pour être gros plus tard. C'est... écoute, là, la chemise est laide, là, tu sais, puis comme... Non, c'est pas toi, là. Même dans le monde perdu, il était pas comme ça. Non, même pas. Même quand il avait genre 20 ans, il était pas comme ça. Il était en sarau avec Magneto, puis avant qu'il devienne des ennemis, c'était deux grands copains. Alors. Ben oui. Et en passant, si vous avez pas vu First Class, là, allez écouter ce film-là. Il est vraiment bon. Là. Bon. Moi, j'ai écouté ça ce soir. Oh, mais moi, je pourrais l'écouter sur Netflix aussi. Ça me tenterait. Là-dessus, on va aller voir les commentaires sur Facebook et sur YouTube. Il y en a sur Twitter, il n'y a rien, il n'y a que dalle, malheureusement. À part de ça, ben c'est on partage beaucoup notre désarroi face à chaque fou. Ouais. Oui, c'est vrai, hein. Il y a aussi des gens qui rient un peu de rétro pendant qu'ils jouent, là. Hey, je suis déconcentré par chaque fou, ok? Je suis pas capable de battre. C'est la malédiction. Le dragon, c'est chaque fou, ok? Le dragon, c'est chaque fou. Arthur, va y coller une bine dans la gueule, ça presse. Sir 2011 dit que pour ce qui est d'IA, ça doit être une technique d'argent vu que t'as une Wii U, ben non, t'es obligé d'acheter une PS3. Ah oui, ça... non. IA, il marche de même, là. Argent pis dat's. Tous les coups-bas qu'ils vont faire pour faire quelques piastres de plus, ils vont le faire. Puis, c'est ils sont la en train de se tirer dans le pied parce que, ça marche pas leur affaire. Là. Ils sont en train de s'en aller en pente descendante incroyable. Ils sont trop caves pour se rendre compte que ça marche pas. Fait, en tout cas, ils vont... Ça fait deux studios qui ferment à Montréal en plus puis enfermer une coupe partout ailleurs dans le monde. Fait que c'est... Il est là le problème. Là. Il est là. Changer de technique. Réveillez-vous! Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va faire plus de microtransactions. Fait qu'on va vous vendre des jeux, puis si vous voulez des plus beaux skins, ben, on va vous charger 5 bières chaque. Je m'en calais, ces skins. Hey. Non, mais. Je suis un des derniers qui achète des microtransactions, sérieusement. Non, on s'entend, t'arrives dans un jeu que t'as payé pour, puis juste le fait de voir la microtransaction, même si tu t'en fous, puis tu ne l'achèteras jamais, c'est dégueulasse, ça n'a pas d'affaire là. Tu viens d'acheter le jeu, puis déjà on te dit, ben, paye un peu plus, puis on va te donner des affaires, hey. Ah, oh, mais. Regarde, arrête, pas la peine en plus. Mais non. Non, c'était mieux avant. T'as pas compris, testeur. On aime ça, les microtransactions, ça a de l'air. Ils nous disent ça. On aime ça, oui. Les microtransactions. Ils connaissent bien mal, je pense. Si, ouais. Je comprends, c'est-tu qu'ils me comprennent bien, tu sais. Ils voient pas combien de jeux j'achète, moi, dans l'année, hein. J'achète pas de microtransactions, j'en paye aucune. Ah non. T'sais. Ah, de la cochonnerie, là. Y a rien. Les microtransactions, c'est pour peut-être contrer les ventes de jeux usagés dans le magasin style eBay, puis Games. Pas eBay, mais eBay Games, puis les microplays, sauf qu'en même temps, C'est aussi le fait que les gamers ont toujours privilégié la qualité sur la quantité. je veux dire, à preuve. Non, ça fait que dans l'ère Nintendo, c'est ça, Nintendo versus Sega, ça a toujours, été une bonne affaire versus aujourd'hui, qui avait une supérieure, n'en est pas autant. Parce que tant on avait des bons jeux à l'époque, les jeux étaient finis. Quand t'achetais un jeu, ben c'était ton jeu, puis si tu voulais avoir plus, ben t'attendais qu'il en produise une suite. C'est ça. Justement, Mega Man est le parfait exemple de ça. Tout à fait. C'était mieux avant. Eh oui. C'est pour ça qu'on est des rétros, nous autres. Oui, on est quatre rétro gamers qui jouent ensemble et qui adorent jouer à des jeux, des vieux jeux. Là-dessus, il n'y a rien d'autre, hein, non plus, VPN? Ben écoutez, je peux peut-être faire une petite plug pour le microplay à la Chine, parce que j'encouragerais même d'ailleurs les accros à pas demander, mais à vérifier s'il y a leur microplay, ils ont le même spécial. Présentement, microplay de la Chine, mais j'espère que c'est pas juste la Chine qui fait ça, ont un spécial pour liquider leurs jeux de PlayStation 2 et leurs jeux de Xbox et de GameCube. C'est 5, si j'ai bien compris, c'est 5 jeux pour 20$ et 10 jeux pour 30$. À la Chine, hein? À celui de la Chine, qui a exemple, une section assez respectable, ils ont un spécial 20 jeux, pour 20$, t'as 5 jeux de PlayStation 2 ou Xbox ou GameCube, des jeux un peu plus rétro. Ou pour 30$, t'as 10 jeux. 10 jeux pour 30, c'est 3 piastres le jeu. Ça a de l'allure. Ça a vraiment de l'allure. Bon, mais écoute, si tu vas me voir à la chaîne, toi, là. Ben oui, c'est pas tous des jeux de sport de marbre, ça vaut la peine. Non. Et toi qui penses qu'il y a plus Xbox que PlayStation 2, testeur? Attends, là, j'ai le Xbox 360, mais Xbox mettons régulier. Que c'est pas mon préféré. Non, j'ai même pas le Xbox régulier, là. Fait que si tu me donnes le choix entre PS2 et Xbox 60, je vais te dire PS2. Mais ces temps-ci, je vais peut-être plus chercher du GameCube, mettons. Ouais, c'est ça, moi et tout. Là, c'est surtout mon GameCube que, en ce moment, j'essaie d'augmenter mes jeux. Là, je me rends compte que c'est une console que j'ai quasiment négligée. Là. C'est dommage, ça. Oui. C'est pas juste nous autres qui pensent que la GameCube est négligée. C'est bien des gens croient que c'est une console négligée. Je veux dire, pour plusieurs personnes, la GameCube, ça demeure la dernière meilleure console de Nintendo. C'est juste pour la Wii, parce que la Wii est quand même encore plus pour des bons jeux. Juste pour ça, là, ça valait la peine d'avoir un GameCube. Ah, tu peux-tu nous énumérer pour ceux qui nous écoutent en audio? On les voit pas rétro. Ben, toutes les Resident Evil qui ont ressorti sur GameCube. Oui, c'est sûr. Là-dessus, je suis bien d'accord avec toi. Dans le temps que les Resident Evil étaient bons. Ouais, ils sont encore bons. Sont juste différents. Écoute, j'ai pas aimé le 5. Il y a le 6, là. Ils ont trop essayé de faire péter à tout le monde, le problème. Ouais. J'aimerais ça qu'ils reviennent aux bonnes vieilles racines, mais tu sais, Survival Horror pas, ben, ils sont capables de péter des gueules à tout le monde. Mais il y en a un aussi pour ce genre-là, c'est Revelations. Ouais. Ouais, j'avoue. Puis il ressort là, pour toutes les grosses consoles la semaine prochaine, ou cette semaine. Ouais. Non, le 21 mai, je le trouve. Non. Cette semaine. J'ai vu le trailer à mon micro-play ce soir, puis il a écrit que c'est le 21 mai, c'est pour ça que je mentionne le 21 mai. T'as peu. Moi, je vais aller checker parce que, bien que je veux bien te croire, moi, j'ai vu autrement. Non, t'as le droit, là. Entre-temps, on va commencer notre sujet du jour. Deux jours. Ça fait quand même une heure qu'on parle et On n'a même pas commencé le sujet encore. Non, c'est ça. De sa traduction, Rockman. Ok, je vais vous dire le nom japonais. Rokuman Tsutoka. Ah oui, le 21. T'as raison, Hotstyle. Bon, ok, sujet. Alors, Rockman 2, le mystère du Dr. Wily en français. Ou Rockman 2 ici. Ah bon? Non, littéralement, c'est la traduction française, mais bon, c'est pas grave. C'est un jeu qui est sorti à Famicom et qui est sorti après en NES en 1988. L'histoire, je vais laisser... on va laisser un Retro Gamer nous expliquer c'est quoi l'histoire. Y a-t-il une histoire, ce genre de jeu-là? Ben oui, il y a une histoire. Ben oui. C'est l'histoire d'un méchant docteur qui a volé les robots de son compagnon de travail, Dr. Light, les 6 premiers robots, je parle. Et qui les a fait en sorte qu'il travaille pour lui. Afin de diriger le monde. C'est ça! Et sûr! C'est l'histoire la plus classique des années 80. C'est le gros méchant qui veut contrôler le monde. Mais ça fonctionne et c'est très bien chapeauté, donc bravo. C'est quoi, pourquoi qu'on adore Megaman 2 à comparer du Megaman 1 en premier? Parce que ben, la plupart du monde, s'ils sont comme moi, ils ont découvert Megaman avec Megaman 2. C'est la raison pour laquelle Megaman 2 est si bien aimé. Pareil pour moi. Ben, moi aussi, j'ai découvert Megaman 2 bien avant le 1, mais c'est. J'aurais aussi l'impression que dans le 2, les techniques puis les méthodes de création de bons jeux de plateforme étaient mieux maîtrisées dans Megaman 2 que dans Megaman 1. Megaman 1 reste un excellent jeu, là. Mais il est difficile en salle. Ah ouais, il est très difficile, puis il y a des petits bouts que, bon, moi, ça me... J'aime moins parce qu'on sent que la difficulté est moins bien dosée. Dans le 2, on n'a plus trop ce problème-là, puis sérieusement, là, les tableaux sont tellement parfaitement bien maîtrisés. Écoute, en plus, dans le 2, t'as une musique là incroyable. Faut le prendre comme un tout. Généralement parlant, le 2, moi, dans mon avis, est meilleur que le 1. Et de beaucoup. Et je pense que le 2, c'était la base pour le reste des Mega Man. Ah oui. Oui. Wow, non, oui. D'accord. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté d'autre comparément au premier? Ben, les trois systèmes qu'on peut utiliser comme c'est 1, 2, 3, là. C'est tellement simple. Oui, tout à fait. Le 2, c'est l'espèce de jet. Puis le 3, c'est l'espèce d'affaire qui rebondit pour ceux qui montent sur le mur. Puis le 1, c'est un truc sur hélice. Là. Ouais. Enfin, bref, c'est comme un petit, pour ceux qui connaissent pas Megaman, c'est une espèce de petit robot. Ça a l'air d'un chien. Non, mais ça, c'est Megaman 3, ça. Mais dans le 2, c'est... Non, mais dans le 2, il est pas Rush. Non, Rush a été créé pour dans Megaman 3. Ah, ouais. Bon, je suis mélangé, moi, d'abord. Mm-hmm. OK, donc, il y a pas... OK, c'est okay, bon. Tester, va te prendre un café, là. J'ai joué récemment beaucoup au 3, fait que ça doit être ça qui arrive, là. J'ai mélange. Puis, il faut dire aussi qu'il y avait un petit peu plus de boss comparé au 1. Au 1, je me rappelle qu'il y avait 6, dans ce cas-là, il y en a 8. Ouais. Ce qui change vraiment la dynamique du jeu. Également, les armes. Parlons des armes, ça. Qu'est-ce que vous avez aimé des armes? Ben, le fait que c'est comme Keiji Inafune a toujours voulu que ce soit roche, papier, ciseaux. Ah ouais? Ben oui, il a toujours voulu que c'est le principe de roche, papier, ciseaux, Megaman. Dans le fond, t'as raison. Ben oui. Dans le fond, t'as raison. Tu commences par battre un boss et là, t'obtiens son arme. Et avec son arme, tu sais que cette arme-là, c'est ce qui va te permettre de battre facilement un autre boss. Mais là, on te le dit pas, là. Mais non, faut que tu le découvres. Ben oui. Il n'y a rien qui t'empêche de faire n'importe quel boss avec l'arme de base. Absolument. Absolument. Tout à fait. Mais quand t'es jeune puis tu découvres ce jeu-là, tu sais, c'est tellement génial de battre le boss puis ensuite tu utilises son arme pour péter la gueule aux autres. Mesdames et messieurs, en passant, monsieur Patrick Archambault du site Alpha 42 est présent avec nous. Et juste pour vous autres, les gars, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, je sais pas si tu vois, mais Retro, il est mieux que toi, là. Il est en train de jouer pendant qu'on en jasait tantôt. Tu viens de te faire casser avant même d'en marquer dans le podcast. Oh! Oh! Comment ça va, tout le monde? Ça va bien, toi? Ouais. Alors, on vient de rajouter une heure au podcast juste en te voyant. ceux qui savent pas, d'habitude j'ai tendance à venir rajouter, rallonger des podcasts à Patrick, et Patrick a tendance à venir rallonger le mien. Fait que c'est là, c'est à mon tour de venir scraper le tien là. Non, je te rappelle, j'ai quand même animé ton dernier podcast. Oui, je l'avoue, merci beaucoup, Benoît. Tu t'as pas fait le montage. Eh non, j'ai perdu le podcast. Ouais, c'est ça. Ben là, Patrick, parle-moi de Mega Man 2. Pourquoi tu aimes ce jeu-là? Moi, premièrement, c'était le premier jeu hors Nintendo que tu pouvais aimer sur la Nintendo, parce que c'était vraiment le premier jeu que c'était pas un Zelda ni un Mario Bros que tu pouvais aimer sur cette console-là. Quand t'achetais une Nintendo, à l'époque, t'avais juste Mario pis Zelda. Ça arrêtait là, là. Et Mega Man était vraiment le premier jeu tiers party qui te faisait dire « Hey, je vais acheter une Nintendo pour ça. » Avec Metroid pis Kid Icarus aussi, là. Fait que c'était vraiment le premier vrai jeu de plateforme qui sortait du lot que tous ceux que Nintendo nous offrait. Puis on en a eu, là, des jeux de plateforme, là, sur la Nintendo. C'est pas ça qui manquait. Fait que moi, c'est pour ça. Et aussi, c'était un des jeux qui venait gratuit avec la Nintendo Power quand tu t'abonnais. Ah ouais? Oui. Je savais pas. Oui, quand tu t'abonnais à la Nintendo Power, tu pouvais la recevoir gratuitement. Quand est-ce ça? J'ai pas vu ça, moi. Des années 80. Moi, je me rappelle que tu pouvais... Mega Man 2 aussi, tu pouvais. Mega Man 2 aussi, tu pouvais la recevoir gratuitement, si tu voulais. Ok, on appelle chez Nintendo demain, on va se rassurer pour être sûr. Moi, je me rappelle pas, sérieusement, là. Je me rappelle de Dragon Warrior parce que mon cousin s'était vraiment abonné pour avoir Dragon Warrior. J'essaie de trouver autre chose, parce que pendant le Free Comic Book Day, il donnait une bande dessinée de Mega Man. Je sais pas si je l'ai gardé. Mais ça, c'est pas plus grave. Non, mais on parle de Mega Man 2, ok? Là? On ressemble, ok? Moi, j'ai du contrôle sur toi aujourd'hui. Je peux te cliquer dehors quand je veux. J'ai un petit bouton 8, c'est Eject. J'oserais pas faire ça, Ben. Oh. Non, il oserait pas. Pour Acarus, quand même. Ouais, c'est ça. Pas pour ton ami. Je t'ai pas encore rencontré, hein? Ah! Oh! Ok, dans les dents. Pourquoi j'avais lâché le podcasting, moi, déjà? Parce que c'est moi qui ai pris le dernier podcast que t'avais fait. Ouais, c'est ça, longue histoire, ça. Non, mais moi, c'était ça. Moi, je l'aimais parce que c'était un des jeux qui sortait du lot, enfin. C'était un des premiers jeux tiers party qu'on pouvait aimer sur la Nintendo. Moi, c'est une des raisons que j'ai aimé Mega Man 2. Aussi parce que ma blonde aime ce jeu-là aussi, alors moi je suis bien parti pour ça. Mm-hmm. Là-dessus, si on regarde les. Pourquoi on pourrait dire que Mega Man 2, comparé aux 6 qui sont sortis sur la Nintendo, est le meilleur? C'est lui qui a monté la barre, comme a expliqué Retro plus tôt. C'est également lui qui a comme repris ce qui était fait sur Mega Man 1, qui l'a amélioré et ça a donné Mega Man 2. Ce serait pas plutôt la même parenthèse qu'on pourrait ouvrir à pourquoi Final Fantasy VII est le meilleur Final Fantasy? Non, non, il est pas le meilleur Final Fantasy. Non, mais ça pourrait pas être la même. On pourrait pas ouvrir la même parenthèse à propos de Mega Man 2. Ce serait le Mega Man qui aurait ouvert la série au public. Ce serait la même chose pour Final Fantasy VII. C'est le jeu qui a ouvert Final Fantasy au grand public. Moi, je pense que Final Fantasy VII a fermé les Final Fantasy. En tout cas, c'est mon opinion. Tant qu'à moi, là, mais en tout cas. Oui, j'ai ouvert Final Fantasy VII, mais j'ai appris après à jouer aux autres Final Fantasy. Puis c'est là que je me suis rendu compte lesquels sont les meilleurs. C'est ça, là. Tester, tu voulais parler? Oui. Je pense que tu voulais plutôt déménager. Tester, tu voulais parler? Non, pas spécialement, non. Ok, je pensais que tu voulais ajouter ton commentaire, c'est pour ça. Ben écoute, moi, si comparé, je trouve que si on joue aux autres Mega Man plus tard, je trouvais que les ajouts qu'ils avaient faits étaient peut-être pas négligeables, mais c'était du Fla-fla, plus que dans le 2, on avait tout ce qui était nécessaire pour jouer à Mega Man. Non, moi je suis... Mega Man 2, t'as une forme de balance que c'était très difficile par après de reproduire chez les autres Mega Man. Remarque, le 3 arrive pas mal de proche, mais on parle du 2. Mm-hmm. Les X sur la Super Nintendo, moi j'aimais bien l'image. On avait fait vraiment un relooking du jeu. On avait fait un relooking de Mega Man aussi, qui était beaucoup plus moderne, beaucoup moins bleu. Parce que là, on avoue, là, c'est vraiment un Blue Boy, là. Mais la série X à Super Nintendo, moi, j'aimais beaucoup le relooking qu'on avait fait. Mais surtout que c'est dans une timeline qui est différente aussi. Ouais, ouais, ça, c'est sûr. Mega Man X est vraiment rendu en 2200, je crois, si je me souviens dans l'histoire. Oh, là, je pourrais pas te dire. Et mon Dieu, c'est dur à dire parce qu'il faut que tu penses à Mega Man X, faut que tu penses à Mega Man ZX. C'est ça, moi, je suis le premier Mega Man X. Ouais, c'est pas 2100 X, quelque chose, genre. Ah, ça se peut. Ça se passe 100 ans après. C'est 21 X. C'est genre, tout le monde est mort, puis ben, tu sais, dans c'est Mega Man original, là. Ah, en fait, il a fini, il a jamais dit que tout le monde est mort. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Il a juste dit qu'il y a une révolution des robots un moment donné après. C'est ça. Mais il a toujours nié le fait qu'il voulait que son robot favori meure. C'est de savoir. Fait que selon vous, quel est le meilleur moyen de jouer Mega Man 2 à cette heure? Faut-tu l'acheter en cassette pareil ou il y a d'autres moyens qu'on peut l'avoir? Console virtuelle. Si on peut voir en original, console virtuelle effectivement, ou sur PlayStation 2 ou Xbox, ou même GameCube, en version Anniversary Collection. Il est pas sur la Virtual Console? Oui, il est ça, oui. Le meilleur moyen. Pour l'instant, aujourd'hui, oui. OK. Pour quelqu'un qui a pas les consoles, là, moi, personnellement, je suis un grand collectionneur de Mega Man, fait que je les ai toutes. Fait que si tu me donnes le choix, il n'y a pas question qui se pose, là. J'allume mon bon vieux Nintendo, je souffre pas dans la cassette. Ouais. Faut pas je suis comme ta sœur. Je suis comme ta sœur, mais comme je suis un grand fan de Mega Man, j'ai joué dans toutes les versions possibles. Ah, Pat, ouais, bon, ceux qui veulent savoir, Pat, t'es en train de souffler dans sa cassette. Sacré. Hey, non, un bon vieux Q-tips, là, c'est le best encore. Tout à fait. Fait que, pour vous, dernière question avant de quitter pour embarquer sur le sujet, combien qu'on doit investir pour une cassette de Mega Man 2? Je pense que là-dessus, le monde peut se poser la question. 20$ gros max des marchés aux puces, ça se trouve en claquant des doigts. Ça, c'est l'affaire, c'est que vu que ça se trouve en claquant des doigts, ça devrait pas vraiment forcément non plus coûter plus que 20$, ça peut même coûter plus bas. Surtout considérant que tu peux l'avoir sur virtuelle, et là t'es sûr de pouvoir y jouer sur la console virtuelle. Je dirais pas en claquant des doigts, là, mais disons que si tu cherches moindrement un peu, là, t'es capable de le trouver pour 20$. Puis je crois que c'est un prix assez honnête. Tu vois ici sur eBay, j'en ai déjà trouvé un, puis il est 7$. Ouais, mais rajoute. Il ship-tu au Canada, tu sais, t'as plein de trucs à regarder, là. Ouais, ça, PayPal, c'est ça, mais... Si tu m'en as pas seulement... Moi, j'en ai acheté, avant d'avoir une version qui marche, là, j'en ai acheté 2-3 cette pièce, là, pis c'était tout des scans. Ben, c'est ça. Ça, là. Là-dessus, avez-vous un dernier mot à dire? Hop, excuse, PL, tu peux y aller. Non, juste rajouter ce que Retro a dit, en disant que c'est chiant d'acheter quelque chose qui est dans le crap. Tout à fait. Ouais, mais c'est pas avant de la recevoir. Des fois, ils disent n'importe quoi sur les deux. Si on va voir côté, si on va voir côté YouTube, PL. J'ai un commentaire assez intéressant de Serre 2011 et compagnie. Mega Man 2 est meilleur parce que c'est celui dont tout le monde connaît et surtout, il y a beaucoup d'améliorations. Sauf pour Mega Man 2 sur DOS, il est pourri. Qui se rappelle de ça? Tu te rappelles de ça, Serre? Sérieux, je m'en rappelle même pas, moi. Oui, je l'ai. J'y ai jamais joué à celle-là, j'avoue. Tu fais bien. Ouais, c'est ce que je me dis. Moi, il y a un détail que j'ai remarqué, peut-être que vous allez trouver ça niaiseux, mais... Non. Moi, ça m'a marqué. Vas-y. Dans Mega Man 1, t'as un système de points. Quand tu fais des monstres, tout ça, tu fais des points. Mais quand j'avais vu ça, j'ai dit, ça sert à rien. Ben, c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Comme de fait, dans Mega Man 2, ils l'ont enlevé, puis... Que le système de points faisait partie des normes de Nintendo, alors qu'à comme on... Ben, oui! C'était pas des normes de Nintendo, c'était des normes de gaming à l'époque. Ben oui, c'était le temps des arcades, là, puis tu veux faire des points, c'est de même que ça fonctionne. Et voilà. Tu voulais être sûr à l'époque que si le monde se faisait des challenges entre eux autres, ils étaient capables de pouvoir calculer leurs points. Ouais. Jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que finalement le monde, ben, il voulait plus finir la cassette de 1. C'est pas ça le point de Megaman. Non. Avez-vous un dernier mot à dire sur Megaman avant de quitter? Écoute, Megaman, il pète des gueules. C'est une série qui malheureusement va être mise de côté par Capcom parce que bon, Keiji Inafune n'est plus de Capcom malheureusement. C'est des sales. Ça fait 4 fois qu'ils annoncent. C'est des sales, maintenant. Ça fait 4 fois, 4 fois sans exagérer là. 4 fois qu'ils annoncent un Megaman, puis là ils sont là. Oh, on va le faire, ça s'en vient. Un mois après. Oh, on va aller! T'en as pas un qui est disponible sur le Live Arcade, me semble? Non. Ben, t'as Mega Man 9 puis 10, là, mais ça, ouais, c'est avant qu'ils décident de canceller Mega Man Legends 3 puis Mega Man Universe. Voilà. C'est quoi cette décision de con de faire ça, là? T'avais une grande Mega Man Universe, faut avouer, là, c'est ça, ça avait été lancé à l'époque que tout le monde voulait faire du MMORPG. Alors Capcom avait peut-être calculé leurs affaires. MMORPG dans l'univers de Mega Man, ça fonctionnerait-tu? Non. C'est ça. Fait que c'est un risque calculé d'avance, ouais, ça. Mais ça excuse pas Mega Man Legends 3, par exemple. C'est ça. Non, Mega Man Legends 3, c'est parce qu'Inafune a quitté. Ouais, mais... C'est l'inverse. Grave, la franchise appartient quand même à Capcom. La franchise appartient à Capcom, mais c'est vrai, je m'excuse. Inafune a quitté après que Capcom ait cancellé... Non, il a quitté avant. C'est avant? C'est qu'il faut que tu fasses attention au Japon, les droits d'auteur, des fois. Le nom du personnage, puis la création, c'est deux affaires... Ouais, ben c'est ça, là. Inafune n'a pas créé Megaman, il y a juste comme. On a demandé. Ok, Inafune, t'es un graphiste. Peux-tu nous faire un design style enfantin slash manga de ce que tu vois d'un personnage quand on dit Rockman? Puis il a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Ouais, puis comme c'était un grand fan d'Astro Boy, ben il a fait son Megaman qui ressemblait un peu à Astro Boy. Ouais. Moi, je comprends pas Capcom, tu sais. On le sait, là, le rétro est en train de revenir en force. Là. C'est juste moi, DuckTales. Là. Quand la nouvelle est sortie que DuckTales, on allait avoir une nouvelle... On a tout crié comme des petites filles! Tout le monde capotait. Mais on s'entend-tu que s'ils font ça avec Megaman, ça peut juste faire le même effet. Tout le monde va capoter. Ouais, mais... Check. Je vais prendre juste l'exemple de Megaman Powered Up sur la PSP. Ça n'a pas été un succès. Et pourtant, c'est le même genre de principe que DuckTales Remastered. Puis, et comme qu'on a dit... Capable, là, s'ils mettent les efforts, moi, je suis convaincu qu'ils sont capables de ressortir leur bon vieux savoir-faire puis de nous pondre un bon Megaman. Oui, mais comme qu'on a dit tantôt, les Megaman sont déjà disponibles sur Virtual Console. Alors, pourquoi, selon eux autres, ils investiraient de l'argent pour faire une version HD? Quand ils vendent déjà pas HD sur la Virtual Console, puis ils se font déjà du cash avec. Tu veux que je te réponde? Oui. Street Fighter 2 Hyper Fighting. Ils ont refait une autre version plus tard. C'est aussi simple. Ils l'ont fait en HD. Et ils ont rebalancé les personnages. Mm. Fait que là-dessus, je pense que ça conclut notre amour sur l'amour qu'on porte pour Mega Man 2. Prochainement, inconditionnel. Je dirais le mois prochain, ça irait peut-être pour Mega Man X. Ça serait le fun d'en parler. Oh. Le premier Mega Man X, pour moi, c'est un de mes préférés. J'aimerais peut-être ça en parler. Va falloir que je m'y remette. Ouais, moi aussi. On va essayer de retrouver la cassette. J'ai deux fois. Oh, tu sais que t'es capable, Claruche. Ouais, je suis capable. Regarde, j'ai mes spots pour le retrouver. T'inquiète. Non. D'ici là, on va embarquer. embarquer tout de suite avec Actarus, pourquoi qu'il est là? C'est parce qu'il y a une nouvelle à nous annoncer live, primeur accro des jeux. On va t'écouter, mon cher. Et watch-toi, t'as 4 accros qui est là pour blaster s'il y a de quoi. Mais on mord. Je voulais en profiter avec Benoît pour leur remercier sérieusement pour le dernier podcast qu'il a fait en mon absence. Ça fait un mois quand les deux oreilles ici, là, c'est ce qu'on appelle le cerveau, mais il y a des... Ah ouais? Ça l'a explosé. Je ne filais pas personnellement depuis un mois et j'ai décidé de couper le podcast d'Alpha 42.net. Je me voyais plus investir du temps en quantité industrielle pour un podcast. Puis après ça, je me faisais blaster étant un vendu parce que je jouais à Call of Duty, puis je jouais à StarCraft 2, puis parce que j'encourageais pas le jeu indépendant. Je me faisais traiter de tous les noms. Audrey s'est fait ramasser sur Internet. On se faisait ramasser parce qu'on parlait de la voix. Puis Julie, pourtant, elle était chercher une autorité avec ça. En tout cas, j'étais fatigué, j'étais écœuré, mort, fini. J'ai décidé de couper le cordon. Mm-hmm. Sauf que là, c'est sûr que je voulais pas tuer le projet parce que c'est un projet que j'aime beaucoup. Et... On se comprend tous là. Là-dessus, tous les accros aussi font des projets indépendants et chacun de nous investit énormément de temps dans leur projet. Fait qu'on te comprend amplement. Oh ouais, puis aussi, c'est que là, moi, j'ai un travail, j'ai une famille. Puis tant qu'à me faire ramasser sur Internet, regarde, Benoît, tu sais, on s'en est déjà parlé ensemble. Les accros aussi, là, regardez, là, quand on n'est qu'un texte, là, on n'a pas le goût de sortir le dictionnaire pour vérifier chacun des mots comme si c'était un texte pour un examen finaux là, d'université. Là. Des fois, tu sais, on l'écrit là, sur un coin de table là, entre deux games, puis c'est comme j'ai le goût d'écrire, puis je le mets. Puis... Des fois, ça ne tente pas là, de te revisionner 45 fois juste savoir, il manque une virgule là. Hey, regarde, on fait ça pour le fun. Je peux-tu. Hey, je me suis fait dire que mon français était aussi pire qu'un enfant de maternelle. Hey! Oh, bah non. Non. Regarde, j'ai vu pire, Ouais. C'est comme, regardez, là, laissez-nous donc vivre notre passion. Mm-hmm. Puis, j'avais décidé de couper les fils, sauf que je voulais pas que le projet meure. Je voulais pas. Je voulais continuer à parler de jeu puis tout ça. Puis là, ça faisait des semaines que je lançais les annonces puis tout. Puis on dirait qu'aujourd'hui, ça allait exploser. Ouais! Et en ce moment même, ben, vous pouvez y aller après le podcast des accros, ça, je vous le permets, tu sais. Parce que ben j'aime beaucoup Benoît. Ouais, j'ai le bouton eject là, qui est proche, là. Oui? Est-ce que tu nous permets de respirer aussi? Jonathan, t'avais une discussion? Oui, tu vous permets de respirer, tu sais. Je flatte en ce moment dans le sens du poil, Benoît, là, sa tête est juste ici, là, pour moi, là, fait que je le flatte dans le sens du poil, là. Attention, il y a une autre personne qui touche mon poil d'habitude en arrière, ici, là. Ouais, et justement, déjà, là. Tu vois, elle le fait, là. Ouais, c'est ça. Je vous annonce que le streaming de Call of Duty, bien malgré certaines personnes qui m'ont traité de faux gamer et de faux geek, je suis un faux geek, Benoît. T'es un faux geek? Je suis un faux geek. Je suis un gars qui profite de la vague en ce moment. Je suis un faux gamer. Non, t'es un hipster. C'est ça que ça devrait être. Ben oui, toi. Hey, t'es tellement hipster. Je te vois tellement chez Starbucks avec ton grand verre. Il y a Jazid. Ah oui, j'aime beaucoup le rétro gaming. Ah, j'adore parler de Superman. Il a quitté. Calice. C'est ça, un hipster. Oh my god. Je suis un faux gamer, hein? Un Vic 20. Tu sais, moi, je veux juste jouer à Call of Duty sur la Xbox. Je suis un faux gamer, moi. Non, mais sérieusement, ça change quoi que tu joues sur Call of Duty? Je ne sais pas! Il y en a qui m'ont blasté. Ne regarde que toi! Je sais ça. Il y en a qui m'ont blasté parce que j'aime pas le jeu indépendant. Moi, oui, je suis d'accord, ok, les jeux indépendants, c'est le fun, c'est le coup, c'est 2 heures, ça coûte 5$. Moi, la théorie du jeu indépendant, c'est comme la théorie d'Edward Norton dans Fight Club. Tu sais, quand il parle des articles individuels. Je sais pas là ceux qui se rappellent de cette scène-là, mais moi, j'ai... J'essaie de m'en rappeler, parce que ça fait 10 ans que j'ai pas vu Fight Club. Ben, il fait 10 ans que je l'ai écouté, là. Je pense que j'ai encore DVD, puis il est encore dans son enveloppe. Mais il parlait du fait que les articles individuels, c'est des articles non réutilisables, et c'est fait pour cet élément-là. J'ai essayé de retrouver la vidéo, je la retrouvais pas, mais moi, un GND, c'est ça. J'aime mon Call of Duty, j'aime mon 7 heures, bon scénario, belle ligne droite, je me fais du fun pendant 7 heures, un bon mode multijoueur, StarCraft, c'est la même chose. OK. Fait que je vais te laisser aligner avec tes annonces. Oui. Fait que les streamings de Call of Duty sont de retour sur l'Alpha42.net. Ce n'est plus moi qui s'occupe du streaming. C'est la gang d'Xbox Québec qui s'en occupe eux autres mêmes. Fait que ça, c'est déjà la bonne annonce. Et la deuxième, j'attends une confirmation, mais j'ai été chercher 2 gars de sur YouTube, dont un qui est un finissant de l'École nationale de l'humour. Ils font déjà des vidéos depuis quelques temps. Je vais essayer de vous les retrouver. En ce moment, c'est sûr, ils ont pas beaucoup de vues. Je vous invite à aller les voir. C'est les gars de Actifiction Stupid. Je vais vous mettre le lien sur le chat, sur le Google Hangout. Et c'est des gars qui font un côté humoristique des let's play. Il y en a de Mario Bros, il y en a de Halo. Et c'est des gars de l'École nationale de l'humour. C'est des gars que je connaissais déjà avant et que j'ai toujours voulu avoir sur mes projets, sauf qu'avec l'école, ils étaient beaucoup occupés. Et là, ils embarquent enfin. Et ça va être des capsules qui vont être disponibles en français sur le site d'Alpha42.net bientôt. Bon, ben, c'est bon pour toi. Je suis bien content pour la gang d'Alpha42. Oui. J'ai déjà d'avoir un fan Actarus en moi. Moi, j'ai très hâte de voir ça. Ben, merci beaucoup. Non, ça, je voulais pas tuer le projet parce que j'aime parler de jeu. J'ai été revoir Iron Man en fin de semaine. Je m'en vais voir Star Trek avant tout le monde mercredi. Ok, bon. Hey Jack, bye! C'est juste Star Trek. Hein? C'est juste Star Trek. Benoît? Ouais. Lui, Jack. Non, c'est mon meilleur chum. Il a dit c'est juste Star Trek. Ben ouais. Regarde. M'excuse, moi aussi, Star Trek, ça me fait pas un seul pli. Là. Ok, je vais te dire une chose, Pat. Je veux que tu sois sûr et certain. Tu ne seras jamais aussi grand fan que JP Cardin, que j'ai eu ici, puis que j'ai eu à Télé. Non, regarde, ça c'est sûr, là. Je serais pas aussi grand fan. JP Cardin, je pense que c'est l'ultime fan de Star Trek que j'ai vu dans ma calice de vie. Sûr, là. Regarde, là. C'est exact Klingon, là. Tu sais, je me suis dit, fucking Klingon. Comment veux-tu être pas plus fan que lui? Je l'ai déjà parlé au secondaire. Mais j'ai tout perdu notion. T'étais-tu à jeun quand t'as fait ça? Le pays? Oui! Colin! Je crois, pas ça, je le crois. Le pire, c'est que oui, j'étais à jeun. Mais c'est qu'à l'époque, les conventions Star Trek, c'était très populaire. Fait que moi, j'y allais souvent. Il y en avait souvent à l'hôtel Concordia à Montréal. Je pense au moins 2 fois par année, ils en faisaient. Fait que j'y allais souvent. Puis moi, j'aimais ça. Moi, j'aimerais plus aller à la convention des Time Travelers. Parce qu'on voit 4 DeLorean et une boîte de téléphonique de Doctor Who ensemble. Nice. Il y a un meme qui se promène sur Internet. Allez le voir, c'est vraiment drôle. Fait que là-dessus, on va finir là-dessus. T'as pas d'autres nouvelles à nous annoncer, Pat, là? Non, okay. Pas ce que je sache encore, là. OK. Fait que, on va probablement te réinviter une prochaine fois. Ben oui. C'est parce que là, il faut quand même que je gère mon podcast pour que ça soit moins long que les dernières fois que j'ai venu blaster Étienne. Veux-tu qu'on essaye? Non. Là-dessus... N'oublie pas que t'as trois autres accros là, qui vont accompagner Ben. Fait que c'est un risque à prendre. Oui, c'est ça. Oh, top, pareil! Hey, j'étais nerd de mon école. Hein, fait que tu pensais que 4 contre moi, ça me faisait peur. Là. Non, c'est vrai. Vous hein. Là-dessus, Patrick, comment on peut te rejoindre sur les internets? Moi, c'est simple, c'est l'alpha42.net. C'est le site internet que je gère. Sinon, c'est Actarus partout sur internet. Antithèse, comment on peut te rejoindre sur les internets? Par email, on peut me rejoindre à antithèse, antithese@yahoo.ca ou gmail.com. On peut me suivre sur Twitter, même si je dois avouer que je ne suis que de moins en moins sur Twitter, malheureusement, pour faire de moins en moins de hard tweets sur Twitter, malheureusement. Mais quand même, antithèse 16, S-A-Y-S, mais la meilleure façon de me rejoindre sur les internets demeure le forum d'acrodesjeux.com. Est-ce que tu as une nouvelle vidéo qui est en vue prochainement? Quoi, monsieur? Ok. On attend ça avec impatience. Retro Gamer, comment on te rejoindre sur les internets? Et est-ce que tu as une vidéo qui s'en vient prochainement? Alors, pour me rejoindre, c'est simple. Il faut aller sur le site de acrodesjeux.com et me parler à travers les messages privés ou laisser un topic intéressant dans lequel je pourrais répondre. Et aussi et... sur ma page Facebook et mon channel YouTube, mais principalement sur le forum des acrodesjeux.com. Et ta prochaine vidéo a lieu quand? Mercredi. Et puis à partir de maintenant, ça va être une fois par mois, ça va être un épisode de 15-20 minutes. Cool. Et Tester Alpha, comment on te rejoindre toi et tes amis de l'équipe Tester Alpha? C'est pas trop compliqué, vous retenez tout simplement Tester Alpha, allez dans Facebook, YouTube, Google, tapez Tester Alpha, vous allez me trouver. Évidemment, la meilleure façon, c'est de venir me parler sur le site des accros des jeux. Et est-ce que tu as une vidéo qui s'en vient prochainement pour tes fans? Absolument, je vais essayer fort de la sortir d'ici... pour jeudi soir, sinon ça va être vendredi soir. Ok, fait que si on comprend bien, il y a des fortes chances que pour cette semaine, ça soit occupé chez les accros. Ouais. Peut-être tout à fait. Peut-être demain, mercredi rétro, jeudi testeur, vendredi, qui sait, peut-être mon autre vidéo, et samedi, dimanche, du repos. Non, ça se peut que tu gères ma collection de Magic que je présente. Ah, bon. Vous voyez. Attends, celle-là, là. Oui, je sais. Il y a beaucoup d'accros qui me demandaient mes decks de Magic, qu'est-ce que j'avais. Fait que je vais leur montrer. Fait que probablement samedi ou dimanche, je vais avoir ma vidéo qui va apparaître. D'ici là, si vous voulez me contacter, moi, le Big Ben, soit pour me jaser ou bien pour des commandes pixel art. Le 514-555-1234. Non, ça, c'est l'appel de ton escorte. Ah, ok. Alors, pour me contacter, c'est sur Facebook, avec la page de Facebook des Accros des Jeux. Vous pouvez également me rejoindre via Gmail, accrosdesjeux@commercialgmail.com. L'une des façons que j'aime le plus, c'est le Twitter, @commercialaccrosdesjeux. Vous pouvez également me rejoindre sur le site internet des Accros des Jeux ou sur le forum des Accros des Jeux. Et je réponds assez régulièrement. Et sur mon Facebook personnel, je n'accepte pas personne, ni les belles Natacha qui viennent de Russie et qui me demandent des dollars pour payer son billet d'avion pour venir au Canada. Bonjour, je suis Natacha. Et j'aimerais aller au Canada avec toi. Oui, surtout avec ta voix de Catwoman. C'est génial. Alors, c'était le podcast des accros des jeux. Merci beaucoup. Alors, c'était le Big Ben. C'était Antithèse. Rétro-Gamer PQ. Tester Alpha. Et Actarus. Pour le podcast des accros, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bye bye.